l'amour sur l'onde génératrice. Oui, vous êtes comme. Et ce sera. Ce sera comme. Comme. Comme. Comme. Comme. Comme. À la radio. Dieu. Dieu. Dieu. Dieu. Thank you. français Mamaï, un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont mon moulin a été témoin il y a quelques 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché et je vais essayer de vous le redire tel que je l'ai entendu. Vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé, et c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans refrain comme il est aujourd'hui. Auparavant, il se faisait un grand commerce de meunerie et dilué à la ronde les gens des masses qui apportaient leur blé à vous. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vin. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins. Des ribambelles de petits ânes chargés de sacs, montant et dévalant au long des chemins, et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre au chemin. Commande de la toile, le diahu, des aides meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin par bande. Là-haut, mes meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon titre et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Jusqu'à la noire nuit, on dansait du fort. J'apportais mon fifre. Mon fifre, mon défrontage. Aouh! Moi, j'apportais mon fifre. De la noire nuit, on danse. En écoutant. Maintenant, nous en voilà. Il faut qu'on sèche à l'étage. Nous voyons pas le... se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien. Je Plus exactement, puisqu'il n'y a musique qu'à travers notre oreille et notre entendement, si la musique commence quand on la fait ou quand on l'entend. Admettons pour simplifier que l'homme, à l'âge de la pierre, ait inventé le lithophone. Entre l'oiseau chanteur et l'homo faber, il y a toute la distance entre le civilisé et le primitif. Passent des centaines de milliers d'années dont il ne reste que le silence. Puis, des millénaires égyptiens dont il ne reste que des hiéroglyphes, puis des siècles grecs dont il ne reste que la gamme, et toujours les oiseaux chantent, quel mauvais élève que les hommes. Alors nous nous tournons vers d'autres jungles, celles des foules, d'autres forêts, celles de nos folies. Une dernière clairière, notre solitude, il reste à l'homme qui s'est perdu lui-même de conjurer le sort par des actes de dérision, c'est la symphonie pour un homme seul. Les dieux sont devenus machines. Les machines pensent. Elles font donc elles sont. Elles fabriquent donc elles agissent. Elle fabrique. Elle pense. Elle sent. Et vous? Thank you. shouting, you're dead good. All the men say, legs wide, hips swinging like a doorway. Les garçons et toutes les filles se demandent un jour pourquoi leur papa et leur maman se sont mariés. Tous les garçons et toutes les filles se demandent comment ils sont venus au monde. Et tous les garçons et toutes les filles sentent combien leur papa et leur maman s'aiment. Et combien ils aiment leurs enfants. Mais ils aimeraient aussi parler de tout cela avec leur papa et leur maman. C'est ce que font Claire et Jean dans le récit que nous allons entendre. Et ils sont tout heureux. Car leur papa et leur maman leur apprennent beaucoup de choses ce jour-là. Mais écoutons. Michel. baby. Oh baby, I love you. Sweet, sweet. My comical fantasy. I love you. Thank you. famille qui vit un dimanche pas comme les autres. Le père, Pierre, et la mère, Françoise, rentrent avec leurs enfants, Claire, 10 ans, et Jean, 8 ans. Les enfants sont très excités. Ils sont allés rendre visite à leur tante Cécile, qui a un tout petit bébé. Tous sont contents, mais particulièrement Claire et Jean, les enfants, qui n'avaient jamais vu un si petit bébé. Et tout le monde parle et voudrait tout savoir. Joli manteau, bambali, bambla, grossiga, fa, abla, orem, yegiga, goramen, igo, bloigo, usula, uyu, olaka, olala, andogo, bong, blago, bong, blago, bong, bosso, pataka, u, u, champa, oula, oussa, eulobo, hey, tata, gorem, ishige, sumbada, tumba, ba, boum, kusa, gauma, ba, boum. Touche pas, je regarde. Manteau, bambali, bambla, touche pas, rosia, bambus, abla, gorem, ishiga, goramen, go, loigo, sula, olaka, olala, Oh. oreille, bien sûr. Mais c'est quand même une sorte de petit œuf qui deviendra ensuite un bébé. Mais pourquoi les petites cellules du papa et de la maman ne se rencontrent pas toujours? Je vais te l'expliquer tout de suite. Papa vous a déjà dit que les corps du papa et de la maman étaient faits pour se compléter, pour s'unir. Et les petites graines, les petites cellules, elles aussi sont faites pour s'unir. Mais ces petites cellules ne sont pas prêtes tout le temps. Ah bon? Mais oui! La maman, elle, n'a qu'une seule cellule, une seule petite graine par mois. On l'appelle un ovule. Et tous les mois, il n'y a qu'un seul ovule qui est prêt, qui est mûr, pour s'unir à une cellule du père. Cet ovule ne vit que peu de temps, un jour à peu près. Les graines ne se rencontrent donc pas toujours, mais il faut toujours la graine du papa et la graine de la maman pour qu'un bébé puisse naître. Alors, tout le monde a eu un papa et une maman? Oui, bien sûr. Et quand les parents se rendent compte qu'une vie commence à compter... Alors... qui est comme le berceau du petit bébé. Tout le monde... une radio... Thank you. culture. Les Amériques, la culture, que, la culture. Google, américain, la culture, que, la culture. Google, américain, la culture, que, vous avez pu, la culture, Les Amériques, que, vous avez pu, que, la culture, avec Google en Google. Mais nous, nous avons la radio. Thank you. dans ma bouche. Un homme. Un homme. Ah!

Miss Mozukora, une femme très électrique. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de me trouver enfin à Paris. Quelques impulsions me disent qu'un jeune homme veut absolument me présenter à sa famille. Alors, c'est une femme ou un robot? Non, pas de décision? Alors, regardez bien. On débranche la prise, et si elle nous fait pas perdre la tête, par contre, on la lui enlève. Pas convaincu? Alors le mieux, c'est de la déshabiller. Comme vous voyez, c'est une femme un peu trop électrique. Come on. sais, c'est la faute à la grand-messe. Puis vers midi, il y a un gros orage. Je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les 3 heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis parmi les gouttements des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonnailles de la mule, aussi gaies, aussi alertes qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Niaro, ni la vieille Norade qui la conduisait. C'était... devinez plus. Bien, yes. C'était... Comment nous attaquer? Bouger d'un pouce sans que je le leur commande? I love you, send out my way. Someone who will have it. Thank you. there would have been more death. Rampait vers le centre de la terrasse et fermait ses mâchoires d'un claquement sonore qui rivait sur lui les yeux de tous les singes. La lune se couche. Y a-t-il encore assez de lumière pour voir? Bien. Restez tranquille. Regardez. Ka se leva deux ou trois fois en un grand cercle, agitant sa tête de droite à gauche d'un mouvement de navette. Puis il se mit à faire des boucles et des huit avec son corps, des triangles visqueux qui se fondaient en carrés mous, en pentagones, en tertres mouvants. Tout cela sans se hâter. La nuit se faisait de plus en plus noire. Vandarlo, pouvez-vous bouger mains et pieds sans mon ordre? Bien. Approchez d'un pas plus près de moi. Plus près. Bien. Ça fait peur, Mowgli. Mowgli, laisse ta main sur mon épaule. Laisse-la. Je vais être obligée de retourner. Retourner vers Ka. Allons-nous-en. Oui, allons-nous-en. Allons-nous-en vite. Des retrouvailles. la nuit comme mort, les jours s'en vont de demain. Les jours s'en vont au demain.